1, 2, 1, 1. Allô. Allô. Ah merde, on va entendre mon ampli derrière. Je suis obligé de muter. En fait, je voulais jouer en écoutant mon ampli direct. Parce qu'au casque, c'est chiant. Bon, attendez, je vais essayer de muter le... On va mettre une sortie pour muter le casque. Ah putain, je vous entends plus là. J'entends plus le métronome. Yeah.